بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue dans le podcast Revivification du cœur. Je suis musulman lambda. Ce podcast est destiné à la diffusion des principes de l'islam aux francophones. Il s'agit principalement de lectures destinées à être méditées, approfondies et remises en question. Les seuls prérequis étant le respect, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique. Vérifier puis accepter. Le malentendu est un phénomène courant de la vie sociale. Les gens ont tendance à croire tout ce qui leur est rapporté sans surveillance. Et il est courant pour les journalistes de signaler les choses de manière sélective ou partielle. C'est la déclaration sélective ou la déclaration partielle qui crée des problèmes. Parfois, les gens tombent dans de graves malentendus et le résultat est désastreux. Le chapitre « Les appartements du Coran » traite de ce problème. Cela donne une orientation claire à cet égard. La traduction du verset coranique pertinent est la suivante. Ô vous qui croyez, lorsqu'un scélérat vous apporte une nouvelle, assurez-vous de son authenticité. Vous risqueriez sinon de porter préjudice à des innocents par innocence, et d'en éprouver des remords par la suite. 49, 6. Il y a un contexte à ce verset coranique. Lorsque le prophète de l'islam, paix et salut d'Allah sur lui, a établi un état en Arabie faisant de Médine sa capitale, il a envoyé un de ses compagnons, Walid ibn Uqba, en tant que percepteur dans une tribu appelée Banul Mustaliq. Lorsque Walid atteignit la zone tribale, il vit qu'une foule s'était rassemblée à l'extérieur de la ville. Il craignait, à cause de certaines préoccupations, que la tribu veuille le tuer ou le battre. Après avoir vu cela, Walid revenu à Médine et a dit au prophète que les Banul Mustaliq s'étaient rebellés et qu'il devait donc envoyer une armée contre eux. Alors le chef de cette tribu, Harith ibn Zarar, est venu lui-même à Médine. Il a déclaré qu'ils s'étaient rassemblés à la périphérie de leur ville pour recevoir le percepteur Walid ibn Uqba, mais que, sans les rencontrer, il était retourné à Médine. Le verset ci-dessus a été révélé dans le Coran après cet incident. En prenant cet exemple, le Coran donne la direction générale que, avant de se faire une opinion, il faut examiner toutes les nouvelles que nous recevons. C'est-à-dire que, avant un examen approfondi d'une information, nous ne devrions pas accepter sa véracité. Le principe à suivre est que si vous prévoyez un avis positif, l'examen n'est pas nécessaire. Vous pouvez croire que M. Untel est une très bonne personne, mais lorsque vous prévoyez une opinion négative à l'égard de qui que ce soit, alors vous devez enquêter sur la question avant de former votre opinion. Dans une telle situation, vous n'avez que deux options, soit rester silencieux, ou, si vous voulez donner votre opinion, vous devez approfondir la question. C'est seulement après cela que vous avez le droit de former un avis négatif. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a apporté beaucoup de choses positives. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Revivification du cœur et à partager son contenu. À bientôt pour un prochain épisode, si Allah le veut. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, seul sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager.